la no kiri sangle loye mo te meto ni na bolingo na ya na boya ma koshima e si sanga mi suni na mikuwa doko tolo pe ki sanga susi e si tu ya bolingo sua solution. Chalet, Rio Sala, Bill Sala, ma Bill Sala, John M.C. Confiance, mon amama, wapi sincérité yola kakingaï, wapi bolimbo yo waki serma, yo bosani makambola kakingaï, na popo kate, kubanda na imoka, yishare. Il est passé par ici.